Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 10 septembre 2017. Alors c'est une toute première dans le calendrier automnal de CKRL. Alors voilà, d'entrée de jeu, je suis vraiment heureux de vous retrouver ce soir autour d'une émission assez unique, sans doute l'une des seules émissions de radio au Québec qui ambitionne de vous séduire chaque dimanche soir avec des formes d'art qui mettent en perspective, en relief, en lumière, en avant-scène et encore la matière sonore, le son, dans ses dimensions les plus originales. Alors, au cours des prochaines semaines, avec l'appui du Centre d'artistes Avatar, on va explorer l'univers très novateur des arts sonores à travers le travail de ces artistes, ces artisans, ces inventeurs, ces formes d'expression, ces manifestations diverses dans plein de domaines artistiques. Alors, pour se réchauffer un peu les oreilles, on écoute Émilie M, alias G. Macaire, une pièce intitulée « The Secret Needs for a List ». C'est tiré d'un nouvel album qui s'intitule « La dépendance électrique est arrivée ». Love through the waves. Alors voilà, on s'excuse pour les petits ennuis techniques dès le départ. C'est des choses qui arrivent et ça fait partie de cet univers sonore que je vais essayer de vous présenter tout au long de la saison. Alors justement, quand on parle d'art sonore, de quoi on parle au juste? La question est plutôt vaste, je dirais, sujet à plein de débats, parfois complexes, mais je dirais simplement ce soir que l'art sonore, c'est le résultat d'un usage original du son comme matière première de la création artistique, puis là je le dis au sens fort du terme. Alors pour faire un peu d'histoire ensemble, cet usage singulier du son dans le domaine de l'art, et là je dis ça indépendamment de l'histoire de la musique, vous avez compris, alors le développement de l'histoire de l'art sonore va prendre son essor avec le développement des sociétés industrielles, tout ça lié à l'invention, il va sans dire, des technologies du son amplifié, enregistré, reproduit sur des supports produit par de nouveaux instruments de production et de transmission sonore comme la radio, le phono, le synthé, le magnéto. Donc, l'art sonore va aussi et surtout se développer autour d'une prise de conscience très très forte au début du 20e siècle, une conscience de la vitalité des sonorités qui nous environnent dans la vie en général. Alors Russolo, l'Italien, théoricien, musicien, va en faire un manifeste intitulé « L'art des bruits », qui finira par induire au tournant des années 70 des mouvements artistiques d'écologie auditive inspirés par l'idée du paysage sonore que va promouvoir notamment le Canadien Murray Schafer. Alors, pour se faire à l'idée, on écoute une prise de son en direct sur le terrain, ce qu'on appelle dans le jargon du métier un field recording que j'ai réalisé au coin de Père Marquette et de rue Belvédère à Québec mardi dernier, 5 septembre, il était autour de 8h30. Alors, vous l'avez compris, l'art sonore, l'attention sur nos environnements sonores va évidemment donner lieu à des créations artistiques, à des fictions, à des narrations sonores, parfois lyriques, parfois poétiques. Tout ça pour dire que l'art sonore, bien sûr, ça se matérialise par la vibration des tympans de nos oreilles, mais aussi par l'appel que nous font les artistes d'être à l'écoute du monde sonore qui nous entoure, tout aussi réel que fictif, construit de toutes pièces très souvent. Alors, leurs œuvres Ça ressemble parfois à de la musique sous des formes inédites et je dirais inclassables. Mais le plus généralement, ça résulte de combinaisons de sons tirés de la vie quotidienne ou bien de sons générés par de nouveaux types de lutherie électronique, numérique. D'autres fois, on aboutit à des constructions sonores avec des machines qui gèrent le hasard. Des performances, tout ça au travers des installations, des sculptures. Vous avez compris l'émission de ce soir qu'on amène sur les ondes chaque dimanche, la croche-oreille. On vous propose une heure de sono atypique. C'est une occasion de se faire l'oreille à un univers de création souvent méconnu. Et une occasion de prêter l'oreille à un univers de création souvent méconnu, une invite aussi à réfléchir quand il est question de sonorité en littérature, en art visuel, au théâtre, au cinéma. Et j'en passe. Alors, pour aborder concrètement ce monde coloré des arts sonores, de l'art audio, des paysages sonores, et vous donner un avant-goût de la saison qui s'amène, je vous propose ce soir d'écouter quelques artistes au programme de la saison dernière, l'hiver dernier, autour de démarches qui me semblent en illustrer le contenu très, très riche. Alors, on débute ça avec le road trip sonore particulièrement planant du collectif français Absum, qui faisait une prestation à Québec en février dernier. On écoute Anthony Taillard nous présenter l'esprit d'un projet intitulé Immensity of the Territory, un projet qu'ils ont réalisé au cours d'une traversée en voiture du continent nord-américain. Oui, effectivement, comme le disait Charles-Henri à l'instant, c'est vraiment parti de la musique, le son en lui-même. C'est lui qui a un petit peu donné sa route et qui a indiqué le chemin. Les sons que pratiquaient Charles-Henri et Christophe avec cette guitare étaient vraiment des paysages sonores très étendus. Il y avait vraiment une très belle utilisation des drones. Et puis, il y avait des types de jeux, puisque les moteurs aidants, il y avait plusieurs bottlenecks sur cette guitare, et qui étaient très évocateurs et qui touchaient aux racines un peu blues. Donc, on était pleinement là dans une sorte de fantasme américain, des grands espaces, les bottlenecks à la Ray Cooder, voilà. Donc l'idée est venue créer un endroit, un territoire sur lequel on allait pouvoir faire rejoindre toutes nos envies, nos rêves concernant ce projet artistique. Et ça s'est concrétisé sur sur l'Amérique, qui est le fantasme absolu des grands espaces, le défrichement, la partir à l'aventure, aller rencontrer l'inconnu. Thank you. got to come back to the city, the place where you belong. Oh, you've got to come back to the city, the city of dreams. Alors voilà, c'était le collectif Absum, leur projet intitulé Immensity of the Territory, et c'était tiré d'un extrait teaser de leur projet. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les pièces de l'accroche-oreille sur le site l'accroche-oreille.wordpress.com ou en faisant une recherche sur Internet, vous allez trouver tout ça, ainsi que sur le site de CKRL. Alors, j'enchaîne avec le travail de l'artiste multidisciplinaire Herman Colgan, qui prend le temps de nous initier tranquillement à l'importance du son dans son travail performatif. Herman, qui est un artiste des arts numériques, qui travaille le son, qui travaille l'image. Alors, c'est un travail qui marie tout ça dans le mix très actuel des technologies numériques. Alors, on écoute Geographic Word. C'est tiré d'un live qu'il a réalisé à Rennes, en France. Et donc, le son, pour moi, devient des particules, si tu veux, un peu de quasiment d'énergie, que dépendamment comment je les amalgame ensemble, deviennent hyper percutantes, au contraire, très, très, très douces. Et je vois beaucoup le son. Bien, c'est sûr que on pourrait parler de la chanson. Je suis un grand mélomane, j'écoute beaucoup, beaucoup de disques. Et il y a de la musique qui est aussi ce que j'appelle de la musique, donc avec des paroles, avec construit d'une certaine façon. Et ça me plaît aussi beaucoup. Mais il y a tout l'autre côté que je pourrais appeler le son comme la matière, qui pour moi, on ne peut pas dissocier les deux, mais il y a quand même tout un autre genre de travail quand tu commences à travailler le son de l'intérieur plutôt que de le penser pour construire une chanson, tu vois. Thank you. et souvent c'est tragique. J'essaie de suivre cette ligne où l'herbe me rase le bitume. C'était bien d'être là à goûter le ciel de la nuit, à me laisser aveugler des lumières qui charcutent l'autoroute. Je fais souvent ces trajets. Noisy silence there. Et la sortie avait une voiture isolée, rouge. Mais son côté était entièrement rayé, comme si une clé s'était vengée d'un long trait violent. Et là, ce qui m'a pris par surprise, c'est qu'il y avait une femme dans cette voiture, seule. Elle avait les pieds nus sur le volant, endormie, immobile, et le moteur en marche. Les pieds sur le volant, la fenêtre ouverte. J'ai contourné cette carlingue rouge. C'est étrange, mais l'égratignure faisait tout le tour de la voiture. Et à l'autre côté, près de la roue, il y avait une valise abandonnée sur le bitume crevassé. Je sais, c'est idiot. Elle était plus fort que moi. J'ai pris cette valise et je suis partie en suivant la voie ferrée vers le motel. Alors, on vient d'entendre Geographic World. C'est un extrait de cette pièce d'Herman Kulgun qui était présentée live à Rennes, en France. Alors, la création sonore se retrouve très souvent maintenant aux nombreux carrefours que nous proposent les arts inter- et multidisciplinaires. Et Émile Morin, que je recevais la saison dernière, nous rappelait sa conception du travail sonore qui est grandement conditionné par l'espace ambiant. Tout ça dit autour d'une œuvre qu'il a intitulée Drone, un dispositif audio et visuel imaginé autour d'un piano droit. Alors, on écoute les réflexions d'Émile Morin. De là, pour moi, découle toute une compréhension du son comme une matière, peut-être, un objet, une matière, une manière de définir l'espace, de définir notre relation à l'espace, de définir l'espace, de moduler l'espace dans lequel on est. Alors, si on revient à Drone, d'une certaine mesure, ça porte ça, cette résonance-là, ce passage par une séquence à l'autre, une résonance différente. C'est pas tant une écriture au sens pur de l'art audio, ou dire je vais écrire une trame sonore qui me semble intéressante. Elle est conséquente du mouvement. Il y a donc là l'idée d'un jeu de traduction, mais elle est conséquente, mais elle doit aussi jouer son rôle de définir d'une manière claire un espace fort pour cette œuvre-là. Et beaucoup pour moi, on imagine que c'est tout l'aspect visuel qui tient ce rôle-là, mais j'estime avec le temps, avec ma pratique, que c'est beaucoup une question d'oreille. Alors voilà, on vient d'entendre deux ou trois extraits de cette œuvre intitulée « Drone » qu'a créé Émile Morin en résidence chez Avatar il y a maintenant tout de même plusieurs mois. Et vous allez trouver le titre des pièces que je présente ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Il y a de nombreux titres, je voulais ne pas me perdre dans les dans tous ces titres. Alors, on poursuit avec le travail de Julia Vismara. L'art en général prend toutes sortes de formes, parfois matérielles le plus souvent, mais aussi des formes immatérielles. C'est souvent le cas de l'art sonore. Mais tout ça pour dire que les formes artistiques résultent aussi de méthodes de travail qui sont très diverses. Alors, Julia Vismara, qui est une artiste sonore d'origine italienne, musicienne aussi, est captivée par les liens qui unissent le son à l'architecture. Elle nous livrait l'hiver dernier quelques-uns de ses outils de travail sonore alors qu'elle était en résidence à la Chambre Blanche. Alors on écoute une pièce de Julia Vismara précédée d'un bref entretien. Oui, je suis un peu chaotique, nous pouvons dire, quand je travaille. Et oui, mais j'adore ça. Je crois que quand il y a quelque chose qui des erreurs, tu peux trouver quelque chose de nouveau, d'inaspettato. Mais normalement, j'adore travailler avec les sons concrets et les sons qui sont, on peut dire, organiques de quelque façon. Oui, mais je travaille aussi avec de la synthèse, avec des sons plus digitales, un peu. Et maintenant, j'ai recommencé à utiliser aussi la voix, un peu. Oui, pour avoir une relation avec les sons plus humaines, nous pouvons dire. J'ai besoin de ça maintenant. Je m'appelle Blue. Alors voilà, on vient d'entendre Julia Wismara qui faisait une résidence à la Chambre Blanche il y a maintenant presque une année, un travail qui s'intitulait On Space. Alors, Wismara nous fait un peu la démonstration que le matériel sonore est inépuisable quand tu le travailles avec les bruits ambiants, le son de la voix. Il est aussi ce son, cet art sonore créé de toutes pièces, parfois avec le langage informatique, d'autres fois transformé par des logiciels ou tout simplement capté de manière traditionnelle avec un microphone et un enregistreur. Alors, ce soir, je reviens sur les propos de Muriel Lehmann qui nous présentait, quant à lui, le fruit d'un travail sonore de captation en direct, ce qu'on appelle de field recording, dans le jargon du métier, comme je le disais tout à l'heure, mais tout de même des captations savamment retravaillées et intégrées à une installation qui était présentée en 2016 à Takasaki au Japon. C'est le titre de cette pièce et on écoute d'abord Muriel nous parler de sa démarche et de cette idée fort intéressante de son signifiant. Le fil conducteur qui est là tout le temps, pour moi c'est très important d'avoir des sources sonores qui sont signifiantes. Donc je ne travaille jamais avec des synthétiseurs, je ne travaille jamais avec des sons déjà tout faits. Pour moi les sons doivent être signifiants. Dans le cas de Takasaki par exemple, c'était exclusivement des sons qui provenaient de cette ville-là, il y avait un défi autour de ça. Dans le cas de d'autres projets, je pense à un projet que j'ai fait pour le Festival de musique actuelle de Victoriaville, c'était uniquement des sons de train qui avaient un lien par rapport au concept de l'œuvre. Donc il y a toujours, les sons ne sont pas gratuits, ils ont toujours une référence conceptuelle. Et à partir de là, ce qui est aussi assez constant, c'est la façon dont je vais les travailler pour en faire sortir des textures particulières qui vont créer... La façon dont j'aborde l'art sonore, là, qui a quand même, je pense, une certaine signature, là. Alors, on vient d'entendre un extrait du projet Takasaki de Meriah Lehman, qui fait écho d'une certaine manière au projet intitulé Le silence des icebergs, ou le bruit des icebergs, pardon, de Caroline Gagné. C'est un projet réalisé, lui aussi, sur le terrain à partir de captations en direct. Caroline Gagné nous parle assez franchement ici des aléas de la création artistique et de ses aspects qui sont souvent imprévisibles. Alors, Caroline Gagné, pour se le rappeler, est une artiste sonore et directrice artistique du Centre d'artistes Avatar. Quand je me suis retrouvée en revenant de Terre-Neuve avec mes enregistrements qui avaient été durement gagnés, je me suis retrouvée avec beaucoup de sons. Oui, il y avait des sons dans l'eau, des sons un peu de friction, en tout cas, qu'on peut penser que tu sais, j'ai pas de grands craquements, mais quand même, on est allé assez proche pour avoir certains sons qui peuvent évoquer vraiment cette idée d'un immense bloc de glace en train de fondre. Mais j'avais beaucoup de sons de l'embarcation dans laquelle on se trouvait. Fait que je me suis retrouvée vraiment avec une banque de sons, de fichiers sons, où il y avait beaucoup d'espace qui était espace sonore de l'embarcation elle-même. Fait que j'ai comme pas eu le choix, finalement, au lieu de recréer l'iceberg comme ma première idée, j'ai travaillé l'espace sonore de l'embarcation en relation avec l'espace sonore de l'iceberg. Donc, il y a comme deux groupes de sons. J'ai tout de suite vu un intérêt là-dedans parce que dans mon travail, qui est vraiment plus, qui s'intéresse aux espaces, aux lieux, à la matière qui se transforme. Donc, cet espace-là de l'embarcation, de l'iceberg, je me suis dit, je vais les traiter en deux lieux dans la galerie, un par rapport à l'autre. J'avais aussi quelques séquences vidéo qui étaient filmées depuis l'embarcation, évidemment. Donc, ce qu'on a visuellement, c'est une vidéo où on sent que nous-mêmes, la personne qui filme, est dans sur l'eau, dans une embarcation. Il y a aussi la houle de l'eau, en fait, et l'iceberg qui a son propre mouvement. Donc, on est dans un espace où il y a trois mouvements, les uns par rapport aux autres. Puis, au niveau du son, je le savais pas à ce moment-là, mais je pense que j'avais vraiment besoin de retravailler avec cette idée-là de la vibration. Je parlais du petit miroir dans Cargo, mais de l'explorer pour vrai. Une grande vitre sur laquelle j'ai posé des vibreurs, en fait, pour transmettre les basses fréquences à la vitre. Donc, la vitre est devenue l'objet principal dans l'espace. Puis sur la vitre, j'ai fixé des petits haut-parleurs où là, on avait les bruits délicats de la glace. Donc, l'espace sonore, c'est vraiment habité par les deux. Quand on est près de la vitre, on sent les basses fréquences. Puis quand on est plus loin dans l'espace de la galerie, selon là où on se situe, on voit dans la vitre le reflet de l'iceberg, mais en train de trembler. Donc, ça amène toute une dimension aussi qui est aussi reliée à la fonte des glaces, tout ça, de l'équilibre fragile. Thank you. Alors voilà, c'était un extrait de Le bruit des icebergs et ce commentaire fort intéressant de Caroline Gagné à propos du travail sonore sur le terrain autour des icebergs, ces géants de glace qui environnaient ses prises de son et le travail avec toute cette équipe. Alors, on va clore l'émission ce soir par un style sonore totalement différent avec André-Éric Létourneau, qui est un performeur au sens très, très, très large du terme. C'est un artiste qui a créé de nombreuses œuvres pour la radio en tant que telle, ce qu'on appelle hors-spiel. Ces créations qui sont des créations sonores réalisées dans le but ultime de les diffuser sur les ondes radio. Alors, André-Éric, nous entretenait l'hiver dernier de ses principales sources d'inspiration, des sources d'inspiration assez intéressantes. Il nous parle de musique sacrée, d'univers auditif, ésotérique, nous rappelle les grands courants de l'art contemporain, le dada, Fluxus, et j'en oublie, ou en tout cas j'en passe. Alors on écoute un extrait de L'ère du diable, une pièce réalisée par André-Éric Létourneau. Ce qui m'a toujours intéressé depuis le début dans l'expérimentation sonore, c'était les démarches qui avaient une dimension soit ésotérique, soit occulte ou spirituelle. Donc, on parle autant des musiques religieuses du début de la polyphonie, de Perrotin, jusqu'à Cage, qui avait complètement une autre approche, mais qui a cette velléité-là, ou Stockhausen, ou d'autres compositeurs de musique contemporaine qui avaient cette préoccupation-là. Et les musiques industrielles aussi, que certains chercheurs appellent les musiques européennes, parce qu'elles sont liées à toute une tradition de l'occultisme qui s'inscrit dans la lignée des pratiques druidiques, donc les religions dites européennes. Ça aussi, ça a été important pour moi. Donc, on pourrait prendre l'ensemble, tout le corpus de ce type de travail-là qui date de fin des années 70, début 80, en partant de Trobin Gressel jusqu'aux musiques bruitistes qui s'inscrivent dans cette tradition-là plus récemment. La poésie sonore était importante aussi pour moi. Dada était très populaire dans les années 80. Fluxus, ensuite, s'est mis à être populaire aussi. Donc, les mouvements néo-dada dans lesquels s'inscrivaient des artistes comme Cage. Ça, c'était important pour moi. Puis je dirais qu'un autre axe, finalement, c'est les musiques du monde, particulièrement la musique de Bali. Ça aurait pu être une autre musique, hein, mais dès que je vais dans une partie du monde où il y a une musique traditionnelle, surtout rituelle, je vais souvent essayer de me retrouver là. Même la dernière fois en Bretagne, je me suis retrouvé dans une cérémonie druidique par pur hasard, par pure intuition, par pure chance, dans la mesure où le hasard existe vraiment. Allons, écriture. Tu n'en seras que plus belle, surtout sur ta ligne. The Touch of Evil, film d'Orson Welles, exceptionnelle ambiance au niveau de le plaisir me fait poser des repères irrepérables. Amour, vie, plaisir, chasteté. Amour, plaisir, mort, à vérifier. Mort procure l'état de bien-être du vivant, que risque l'immortel court-il. Le danger n'existant point pour sa noble personne. Le jeu avec la mort n'existe plus. Et je décrirai l'art comme un moyen de transcender la mort en transposant dans un langage codifiable qui sera plus tard ce que la nature nous a donné. Malade, j'écris et je la perte sous la fièvre. L'action de la désorganisation, l'insouciance, l'action de la désorganisation. Voyez Alors voilà, ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir. C'était la première de la saison 2017-2018. Alors je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site web de la croche-oreille, lacrocheoreillewordpress.com, et puis vous pouvez faire une recherche sur Internet, vous allez nous trouver. Alors en ce qui me concerne, je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de CKRL 89,1, et d'ici là, soyez attentifs au son autour de vous. La croche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. CKRL.QC.CA